Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, merci de nous être fidèles. Un peu de Mozart pour commencer l'émission, ça vous dit? Bah, moi, ça me dit. Et c'est Bastia et Bastienne qu'on va écouter. L'ouverture. Alors ça, c'est une ouverture qui a peut-être inspiré Beethoven, parce que le thème de cette ouverture de Bastien et Bastienne ressemble étrangement à celui du premier mouvement de la troisième symphonie héroïque de Beethoven. Mais peut-être est-ce un hasard. Bastien et Bastienne, c'est le premier opéra composé par Mozart. Il a tout juste 12 ans. Et c'est un Singspiel, c'est-à-dire un opéra chanté en allemand. Il y reviendra plusieurs fois dans sa vie, Mozart, au Singspiel, notamment avec l'Enlèvement et Serail, et puis bien sûr la Flûte enchantée. Et bon, c'est une histoire un peu pastorale de deux jeunes gens qui s'aiment, un peu la même histoire que le devin du village de Jean-Jacques Rousseau, qui avait aussi composé quelque chose d'assez bucolique, campagnard, un opéra assez court aussi, puisque cet opéra de Mozart est vraiment parmi les plus courts, il dure une quarantaine de minutes, pas plus. Voici l'ouverture de cet opéra, Bastia et Bastienne, joué par l'orchestre de la Staatskapel de Dresde, dirigé par Sir Colin Davis. L'ouverture de Bastien et Bastienne de Mozart avec l'orchestre de la Staatskapel de Dresde et Sir Colin Davis. Allez, on va enjamber la vie de Mozart après ce premier opéra. Voici sa dernière œuvre, le Requiem. Beaucoup de bêtises ont été dites et écrites à propos de ce Requiem. On sait aujourd'hui que c'est un conte qui souhaitait honorer la mémoire de sa femme disparue, qui commanda à Mozart incognito ce Requiem, il ne devait en parler à personne, puisque ce conte voulait s'attribuer la paternité de l'œuvre. Et donc la faire jouer en hommage à sa femme défunte. Mozart n'alla pas au bout, il est mort avant d'avoir terminé son Requiem. Ce sont des élèves de Mozart, notamment Soussmeyer, qui vont le terminer, l'achever. Et bon, voilà, c'est une œuvre évidemment poignante quand on sait que c'est l'ultime chant de ce génie parmi les plus grands de tous les temps, je pense, tout genre confondu. Wolfgang Amadeus Mozart. Voici un extrait du Kyrie joué par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, le chœur du Singverein de Vienne, tous dirigés par Herbert von Karajan. Thank you. Sur 1975 du Requiem de Mozart par Karajan. Il l'a enregistré plusieurs fois, mais ça, c'est vraiment celle que je préfère. Le Kyrie avec le chœur du Singverein, l'orchestre philharmonique de Berlin. On continue avec Stravinsky et ses trois pièces pour piano tirées de Petrouchka. Alors Petrouchka, c'est un ballet symphonique composé vers 1910 par Stravinsky. Et le piano, il a un rôle assez... présent, enfin, il est très présent dans ce ballet. Il le pensait d'ailleurs comme une sorte de marionnette qui exaspère l'orchestre avec des traits diaboliques et finalement réduit au silence. Mais contrairement à la plupart des autres compositeurs de ballet, Stravinsky n'a pas tiré de suite de ballet destinée à être joué au concert, tout simplement parce que ces ballets ne s'y prêtent pas du tout. Il est quasi impossible de faire une suite de ballet puisque les ballets de Stravinsky s'enchaînent sans interruption. Et pourtant, il a quand même transcrit, plus ou moins arrangé pour piano, trois pièces, trois thèmes de Petrouchka, qui est trois pièces pour piano tirées de Petrouchka, à la demande d'Arthur Rubinstein, grand ami de Stravinsky, et qui souhaitait donc jouer cette pièce qu'il trouvait particulièrement pianistique. Voici la danse russe tirée des trois pièces de Petrouchka de Stravinsky, jouée par Yuja Wang, excellente pianiste, bien sûr, très connue aujourd'hui. Thank you. Danse russe tirée des trois mouvements de Petrouchka pour piano de Igor Stravinsky, joué par Yuja Wang. On reste dans le répertoire russe avec Tchaïkovski et sa quatrième symphonie. Bon, d'apparence classique hein, en quatre mouvements, et pour autant beaucoup d'originalité dans cette symphonie, notamment avec le troisième mouvement, un scherzo, bon là rien d'exceptionnel, c'est toujours un scherzo depuis Beethoven en troisième place dans les symphonies. Mais bon, là, un scherzo qui est joué avec les pizzicati, joué en pizzicati, c'est-à-dire avec les cordes pincées par les musiciens. Et puis, un thème assez rythmique, et puis qui est interrompu au milieu par une petite danse paysanne lancée par le hautbois. Bref, c'est une pièce assez originale, très charmante, je trouve, et inattendue dans une symphonie. Alors voici ce scherzo de la 4e symphonie en fa mineur, opus 36 de Tchaïkovski, avec l'orchestre de Paris, dirigé par Seiji Ozawa. extrait de la 4e symphonie de Tchaïkovski, le Scherzo, joué par l'Orchestre de Paris avec Seiji Ozawa, étonnante pièce avec ses pizzicati des cordes. C'est assez rare. Hein. On continue avec de la musique d'Igan. Bah oui, pourquoi pas, je vous en ai proposé dans l'émission d'hier. J'aime bien de temps à autre proposer des musiques d'Igan, musique de film, des musiques de qualité, je l'espère en tout cas, enfin pour moi. Et on va écouter l'un des thèmes les plus célèbres de la musique d'Igan, c'est celui des yeux noirs, joué par Roby Lakatos au violon et son ensemble d'Igan qui l'accompagne comme toujours. Thank you. très belle interprétation des yeux noirs avec Roby Lakatos au violon et son ensemble Zigane. On revient à Mozart qu'on a écouté tout à l'heure en ouvrant l'émission, et Don Giovanni. C'est son opéra bien sûr le plus célèbre, le plus tragique, qui est sous-titré Drame Giocoso, drame joyeux. C'est assez curieux quand même comme sous-titre, un oxymore. Et puis donc dans cet opéra pardon qui regorge d'air fameux, il y a l'air Bati Mazzetto, bas-moi Mazzetto. Évidemment, on est en 1787 aujourd'hui, ça choque quand même comme titre. Et c'est Zerlin, qui est une paysanne, qui demande à son amant Mazzetto de la battre. Il est vrai qu'elle a eu quelques badinages avec Don Giovanni, donc elle essaye de se faire pardonner. Voici cet air fameux, donc composé en 1787, je le rappelle, Don Giovanni, Bati Mazzetto, chanté par Anne-Sophie Von Otter et The English Concert, et dirigé par Trevor Pinnock. L'air de Zerlin, Bati Mazzetto, belle Mazzetto, faut préciser, tiré du Don Giovanni de Mozart avec Anne-Sophie Von Otter et The English Concert dirigé par Trevor Pinnock. Continuons avec Mendelssohn. Mendelssohn et sa troisième symphonie écossaise, Mendelssohn s'était rendu en Italie et puis en Écosse. Il avait ramené des symphonies de ces pays-là, très impressionné par les paysages de l'Italie, de l'Écosse, et puis par la sympathie, très impressionné aussi par la jovialité des habitants et leur gentillesse. Donc cette troisième symphonie écossaise est une Écosse romantique qu'il nous propose, hein, celle des romans, celle des légendes, etc. Et à cette occasion, d'ailleurs, il s'était fait connaître en Angleterre comme un bon compositeur d'oratorio, qui était un genre qui était très prisé en Grande-Bretagne au XIXe siècle, parce que Handel était toujours présent dans les esprits, et on sait qu'Handel avait composé de nombreux oratorios. Et suivant les traces de son ancêtre, si je puis dire, mais ce n'était pas son ancêtre vraiment, bien sûr, de son ancêtre musical, on va dire ça comme ça, Mendelssohn a lui aussi composé des oratorios. Et puis donc cette symphonie. À l'occasion de ce voyage d'ailleurs en Angleterre, il eut l'occasion de rencontrer la jeune reine Victoria qui venait tout juste de monter sur le trône. Voici le Vivace non troppo de cette troisième symphonie écossaise jouée par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigée par Christophe von Dornani. Thank you. Le Vivace de la 3e symphonie écossaise de Mendelssohn avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne et Christophe von Dornani. Allez, on va retrouver notre cycle des sonates de Beethoven. Nous en sommes à la sonate numéro 9. Et cette sonate numéro 9, il n'y a pas grand-chose à en dire. Pourquoi ? Bien parce qu'elle est née spontanément. Oui, parce qu'il y a parfois des œuvres qui naissent sans être des commandes, sans répondre à un virtuose qui souhaite jouer une nouvelle sonate ou une nouvelle œuvre de Beethoven. Elle naisse par un besoin créateur, tout simplement, du compositeur. Et cette 9e sonate, c'est vrai, c'est pas la plus connue. Moi, je la trouve charmante, en particulier l'Allegretto, le 2e mouvement, que l'on va écouter, joué par Stefan Kovacevic. Allegretto de la 9e sonate de Beethoven, jouée par Stefan Kovacevic. Richard Strauss, maintenant, avec l'un de ses principaux poèmes symphoniques, Une vie de héros. Une vie de héros où le compositeur se met lui-même en scène, notamment aux critiques. Il évoque les problèmes qu'il pouvait avoir avec eux. C'est pas toujours facile, la critique musicale est parfois dure. Et puis même sa femme, bref, une vie de héros, c'est difficile de survivre chaque jour à tout ce qui nous tombe dessus. En quelque sorte, c'est un peu ce que veut nous dire Richard Strauss, qui était probablement l'un des musiciens les plus doués de son temps, enfin en tout cas un génie, ça c'est sûr, et qui avait une facilité d'écriture incroyable. D'ailleurs, il n'y a guère que Mozart et Richard Strauss qui ne faisaient jamais de ratures sur leurs propres compositions, qui composaient sans raturer, sans reprendre. Et Richard Strauss, il était le fils d'un corniste célèbre à Munich, l'un des plus grands musiciens d'Europe, l'un des plus grands cornistes d'Europe, très apprécié de Richard Strauss, même si l'inverse n'était pas vrai. Et on peut dire que Richard Strauss a peut-être, dans sa jeunesse, inspiré Romain Rolland. Vous savez, ce Romain Rolland et son fameux livre fleuve Jean-Christophe, où il évoque la vie d'un jeune musicien. Alors, dans Jean-Christophe, le personnage central devient révolutionnaire. C'est pas du tout le cas de Richard Strauss, évidemment. Mais pour ce qui est des premières années de Richard Strauss, il a peut-être été inspiré, justement, parce que lui a raconté Richard Strauss, parce que les deux hommes se connaissaient très bien, Romain Rolland et Strauss. Donc, peut-être on peut y voir, une allusion à son ami. Donc, La vie d'un héros, on va écouter le début avec le violon solo de Gerhard Hetzel. Cette œuvre fait appel à un violon solo. Et puis, donc, c'est joué par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Karl Böhm. Thank you. le début d'une vie de héros de Richard Strauss avec l'orchestre philharmonique de Vienne dirigé par Carl Böhm et au violon solo Gerhard Hetzel. On continue avec Scarlatti, Domenico Scarlatti, compositeur qui était italien, né en 1685, la fameuse année qui a vu naître et Scarlatti, et Bach et Handel quand même, et qui est mort en 1757. Alors c'est surtout à Madrid, puisqu'il était attaché à la cour de Madrid, qu'il a composé l'essentiel de ses 555 sonates. Eh oui, 555 sonates, mais des sonates en un seul mouvement. On n'est pas du tout chez Beethoven et encore moins chez Schubert. Donc des sonates assez courtes et bien sûr destinées à l'origine au clavecin. On va écouter l'une d'entre elles, Kirkpatrick 380, du nom du musicologue qui a établi le catalogue des œuvres de Scarlatti, Ralph Kirkpatrick, et c'est joué par Yuja Vang. Thank you. Sonate de Scarlatti, Domenico Scarlatti, sonate Kirkpatrick 380, jouée par Yuja Wang. Alors, tout à l'heure, on a ouvert l'émission avec l'ouverture de Bastien et Bastienne, opéra de Mozart, le premier opéra de Mozart, opéra de jeunesse, forcément, il avait 12 ans. Ben, voici un opéra qui a été composé peu de temps après Bastien et Bastienne, c'est le Roi Pasteur. Alors, on va en écouter l'ouverture, comme on a fait tout à l'heure avec Bastien et Bastienne, et on va retrouver donc l'orchestre de la Staatskapelle de Dresde, dirigé par Sir Colin Davis. L'ouverture du Roi Pasteur de Mozart, Il Re Pastore, joué par l'orchestre de la Staatskapelle de Dresde, direction Sir Colin Davis, un opéra de jeunesse, mais déjà vraiment quelque chose d'incroyable. Très très belle œuvre, on l'entend rarement. Allez, on va terminer avec une œuvre beaucoup plus célèbre, la 7e symphonie de Beethoven. J'ai passé le deuxième mouvement Allegretto hier, et voici le final, final très célèbre là encore, l'apothéose de la danse. C'est comme cela que Richard Wagner avait surnommé cette 7e symphonie qui, pour être rythmique, n'en est pas très dansante finalement. Hein. Bon, titre un peu ridicule, il faut le dire. Et voilà, donc une œuvre en tout cas qui a été souvent surnommée comme cela, l'apothéose de la danse, mais peu chorégraphique. On va écouter donc les dernières mesures interprétées par l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein. Finale de la 7e symphonie de Beethoven, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein. Bonne semaine à toutes et à tous, bon dimanche, et on se retrouve la semaine prochaine sur Fadjet, bien sûr.